L'horreur est humaine. Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. Des citations du comique Coluche et de l'humoriste Pierre Desproges, c'est ce que vous avez pu entendre pour vous plonger dans l'univers du premier épisode du Schizopode. C'est qui ça, Pierre Desproges? C'est un comique et un humoriste qui est décédé. Bienvenue dans l'antre du n'importe quoi, à saveur mi-figue, mi-raisin. Ici Christian, accompagné des deux Marc, celui qu'on vous voit et celui qui porte aujourd'hui une chemise noire. Ça pourra vous aider à les différencier. Salut. Allô. Vous la comprenez pas, différencier. T'sais, il vous voit même pas, il ne pourra pas savoir. Si, En forme? Oh, en forme de quoi? Ah, ben moi, je suis en forme de croissant, toi. En forme de boule de neige. Boule de neige. Pyramide. Pyramide. Bon, ben, on va passer tout de suite au premier segment. Les mecs, qu'est-ce qui nous a profondément marqué ces dernières semaines? Voici notre orgasme et notre marasme. Monsieur Latrémouille, nous allons commencer avec vous. Votre orgasme ou votre marasme? C'est pas vrai, mon grand. Écoute... Mon orgasme de la semaine, en fait, c'est peut-être pas de la semaine, mais plus des dernières semaines, parce que, étant donné qu'on fait à peine commencer... Ben, c'est ça, c'est un orgasme des deux dernières semaines. Et si moi, ça fait un orgasme pas mal long, ça. Oui. Puis, sais-tu quoi? Je dirais même du dernier mot. C'est Fetezzo Monese du Lesotho. Quoi? Pardon? C'est le nom d'une personne, Fetezzo Monese. Le Lesotho, c'est un pays qui est entouré de l'Afrique du Sud complètement. Lui, c'est un champion de vélo de montagne de son pays. C'est un gars qui travaille souvent 7 jours par semaine. C'est ça qui m'a vraiment attiré mon attention sur ce gars-là, parce qu'il fait pas juste s'entraîner pour les Olympiques, parce que c'est ça, il a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est un gars qui travaille 7 jours par semaine. Le gars, les Jeux Olympiques du... Oui, du Brésil qu'il y a eu, là. Le gars, lui, avant d'aller aux Olympiques, ben, c'est ça, il travaille tout le temps, puis en vélo en plus. Puis rendu le soir, chez eux, au lieu de s'occuper de sa famille, ben il continue à s'entraîner sur des rouleaux. Puis sur des rouleaux? Oui, mais à l'intérieur, tu mets ton bicycle sur des rouleaux, puis tu roules, puis tu pédales. OK, OK. Tu roules, puis tu pédales. Sauf que, malgré le travail, puis le temps qu'il s'entraînait, son patron quand même lui a accordé pour qu'il parte à des compétitions. Puis il faisait des très bons résultats, si bien que les fabricants de vélos ont commencé à lui fournir de l'équipement. Ça fait qu'il s'améliore encore plus, parce que ce qu'il avait, il roulait avec la vieille cochonnerie des affaires qui datent de 20 ans. Puis dans ce temps-là, ça se ramasse toujours en Afrique. Ces déchets-là, ça? Exact, ces déchets-là. Fait qu'on se débarrasse? Oui, fait que lui, il a réussi à se qualifier pour les Olympiques. Fait que voilà, ça c'est mon bravo. C'est mon orgasme à la semaine. Bravo, Pétesto. Ouais, sauf que il saigne un petit peu mon orgasme parce que j'ai vu la course de vélo montagne, puis après 200 mètres, son vélo a cassé. Puis ces jeux ont arrêté là après quelques secondes seulement, c'est vraiment dommage. Boy, OK, ouais. Désolé. Marasme de la semaine. Loser. L'émission Ça vaut le coup à Télé-Québec. Cet été, il passait des reprises. Je sais qu'ils sont rendus une soixantaine d'émissions de tournée, puis j'ai vu l'émission numéro 39. C'est la seule émission que j'ai vue, seul épisode que j'ai vu de cette émission-là. Puis à l'émission 39, il y avait une nutritionniste qui nous expliquait c'est quoi le sucre puis le gras dans les barres tendres. Ça, c'est un des trois sujets. J'ai pas vu le premier sujet, je pense que c'était sur les dentifrices, je m'en souviens plus. Je trouvais ça un peu ridicule parce que on sait tous c'est quoi du sucre puis du gras. Je trouvais que c'était complètement ridicule, puis il y avait aucune conclusion. Après ça, le troisième sujet, c'était un professeur du HEC qui était invité pour nous expliquer c'est quoi les cartes fidélité d'un grand magasin, comme par exemple les Air Miles chez IGA, la carte PC chez Loblaws, etc. Il y en a de plus en plus, tes cartes. Il y en a de plus en plus. Fait que le journaliste, lui, il ne demande pas les avantages et les inconvénients de chaque carte, de chaque magasin, puis c'est quoi, puis qu'est-ce qu'on devrait faire. Non, le prof fait juste expliquer c'est quoi la carte, puis à la fin... T'sais, il fait juste expliquer, c'est pour garder une fidélité envers les clients ou clients qui soient plus fidèles envers le magasin. Puis à la fin, le journaliste a même le culot de dire merci pour vos bons conseils, alors qu'il n'y a eu aucun conseil. Il fait juste expliquer c'était quoi. Je trouvais ça ridicule. Ça manquait de... Le journaliste n'écoutait pas finalement. Ça manquait de critique, tu trouves? Ça manquait énormément de critique parce que ma copine puis moi, à la fin, on s'est dit c'est de la merde cette affaire-là, c'est une grosse info pub. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. On dirait que c'est les fabricants qui ont payé cette émission-là pour venir parler de leurs produits. On fait, voyons donc. Fait que ça, c'était mon marasme de la semaine. Bon, ben, éviter peut-être cette émission. Tu y vas ou j'y vais? Ben, je vais y aller. OK. Je vais commencer par mon marasme. On a tous connu, ou on va connaître, ou on connaît en ce moment, quelqu'un qui, dans notre entourage, de près ou de loin au travail, à la maison, dans les loisirs, projette, comment je pourrais dire, des ondes négatives. Quelqu'un qui soutient de l'énergie juste par sa présence. Mais souvent, plus qu'autrement, ça peut être quelqu'un par son non-verbal, par ses paroles, par ses gestes. Une agressivité passive. Quelqu'un qui peut dire des remarques à ton égard qui sont plus ou moins agréables à entendre. Et ça se répète, ça se répète. Critique, juge. Mais c'est jamais dans les insultes, c'est tout le temps subtil. Je sais que les patrons peuvent être très forts là-dessus avec leur employé. Ça peut être un père de famille avec ses enfants ou un père de famille avec sa femme ou un ami. On appelle ça des vampires psychiques. Mm. Puis mon orgasme, pas mon orgasme, mais il est lié à mon marasme. Mon marasme, c'est qu'à mon travail, j'en ai une véritable vampire psychique très forte, mais je pense qu'elle s'ignore. Je n'aimerais pas le nom, mais elle s'appelle Marie-Claude. Très forte dans son énergie négative, très forte dans son agressivité passive. Ce qui fait que quand elle est présente au travail, ça me rend un peu mal à l'aise, ça me rend moins productif, je me sens pas bien. Je suis obligé de boire de la camomille à la job, faire des séances de méditation pour me sentir plus détaché face à cette espèce de soutir d'énergie. C'est vraiment puissant. Et mon orgasme face à ces genres de personnes-là, c'est quand ils sont absents. Donc, aujourd'hui, ils n'étaient pas là. Donc, mon orgasme, c'était que le vampire était absent et je me suis senti bien. Mais j'ai une petite question. Est-ce que tu as l'impression que les autres réagissent comme toi ou bien tu as l'impression d'être le seul à subir ce vampire psychique-là? Je ne voudrais pas parler au nom des autres, mais oui, les autres sentent beaucoup, la plupart des... je dirais pas la plupart, mais certains employés sentent beaucoup cette espèce d'énergie négative-là, cette espèce d'agressivité passive-là qui est très drainant puis qui peut blesser même parfois par le fait qu'elle est toujours en train de critiquer puis les éloges sont très rares. Mais par contre, les petits coups de couteau là, sont beaucoup plus courants. Ça en devient fatigant et gossant. Bon. Vampire psychique, le marasme de plusieurs, je pense. C'était Marc Jaudoin, mon frère. Là, c'est à moi. Alors, mon marasme, Christian. Moi, c'est Christian et voici mon marasme. Vous avez un nouveau marasme. Marasme préventif, s'il en est un. Oui, grâce au Schizopode, votre dévoué journaliste culturel se déplacera annuellement une bonne douzaine de fois dans les salles obscures pour vous conseiller ou pas un des films de l'heure. Par conséquent, votre humble serviteur devra se taper ce qu'il exècre le plus au monde, les hosties de parasites qui prolifèrent dans les salles de cinéma, puis leurs voix fatigantes qui me font dresser les poils sur le corps. À quand l'exterminateur de ces increvables bébites sans respect? À quand un héros qui, d'un simple coup de massue sur la tête, pourrait les réduire au silence? À quand le pop-corn empoisonné réservé à ces pies du malheur? Le billet est assez cher comme ça. Je te demande, ô toi, être limité, de me faire grâce de ta parole qui tue. Ferme ta gueule, tu pollues ma vue. Ta gueule! Je sais pas pour vous, mais moi, quelqu'un qui parle d'un cinéma, ça m'affecte, mais j'ai l'impression que ça affecte. Je me sens plus affecté que les autres, habituellement. Je sais pas. Oh non, moi, j'en frapperais des fois. Là. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est pas juste le monde qui parle. C'est des fois, à un moment donné, il y en a un qui se met à tousser, puis tout le monde se met à tousser, puis ça fait... puis ça tente plus rien. Ouais, okay. Mais si ça commence à tousser dans le film... Peut-être. Peut-être que ça... Et mon orgasme? Mon orgasme, c'est le podcast Killer POV de Fearnet et Fangoria. Oh yeah. Bon, le bémol, c'est que c'est terminé. Sauf qu'ils ont fait 140 épisodes et je suis juste rendu au 25. Fait que ça veut dire que j'ai plusieurs orgasmes à venir en compagnie de trois animateurs super énergiques qui trippent vraiment sur les films d'horreur. Attends, ça a commencé quand, ça? Le premier épisode, ça a terminé le 29 avril. Le premier épisode, ça fait peut-être 2-3 ans. Ils commandent des trailers de films que j'ai vus. Fait que c'est drôle parce qu'ils vont commenter un trailer. Hey, Conjuring 1, hein, j'ai tout sorte d'aller le voir. Ouais, ça a l'air bon. Là, je trouve ça drôle parce que je l'ai vu. Puis la semaine d'après, ils vont le critiquer. Fait que c'est ça. Les entendre parler de films que j'ai vus, c'est le fun. Mais en même temps, ils me font découvrir des vieux films. Et surtout, il y a des invités. Il y a des invités comme Kane Hodder, celui qui a personnifié Jason dans le 6. C'est ça. Friday the 13th. C'est, mais, Jason à partir du 6 en montant. Fait que il y a des acteurs qui ont personnifié Michael Myers, il y a des réalisateurs, des producteurs, en tout cas, c'est vraiment trippant. Ils sont vraiment dedans. Puis ben c'est ça, c'est à peu près ça, c'est vraiment trippant. Puis c'est ça, il y a des souvenirs parce que Fangoria, ben c'était mon frère, il a acheté les Fangoria. Je me rappelle le premier, c'était Jason 7? Non. C'était pas Jason debout, c'était le 3 ou le 4. Mais il est debout dans toutes les Jason. Non, mais sa pochette du premier Fangoria, là, il était debout, son suit gris. Je pense que c'était le 4. C'est pas le 5, ça, avec le suit, un suit genre ouais. De garagiste qui fait le suit au complet, là. Puis il y a les petits triangles bleus sur le masque, ça, c'est le 5e. Ah, il était rouge. C'était rouge, les triangles. Ah, ben là, c'est pas Jason, ça, je sais pas. Ça m'étonnerait, ça m'aurait étonné qu'il aurait mis le 5, je sais pas. Sur la pochette du Fangoria. Bref, il me reste encore une centaine d'épisodes à écouter. Et c'est un. Ça va être vraiment un gros trip. Ben, en espérant qu'il te fasse découvrir les films d'horreur japonais ultra gore, tu vas découvrir un univers tellement. Ah, peut-être. Alors, c'est maintenant le temps de saluer des macabées de personnalité. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir dans les deux dernières semaines. Les décès dans les personnalités publiques. Mmh. Et j'ai été voir le plus vieux et le plus jeune. Alors, celui qui est le plus vieux, il est mort à 104 ans. Wow. Et c'est Peter Leo Geraghty, je ne sais pas trop comment le dire, mais c'était le prélat catholique. C'est un prélat catholique américain et c'était le doyen de l'épiscopat mondial. Alors, il est décédé il y a environ deux semaines, à 104 ans. Donc, dans la richesse, l'or, l'opulence, alors que Jésus prônait la pauvreté. Cool. Ça, c'est la section décès des personnes connues, c'est ça? Oui, c'est connu, okay. Ça. Tu moi aussi. Pas? Non, pas du tout. Vous connaissais-tu? Le prélat, je ne sais pas quoi. Non. Non, mais il un évêque, un archevêque, c'est quoi? Non, mais il n'y a pas juste les sportifs puis les comédiens. Ah, ouais, c'est ça. Je pensais que tu allais juste les comédiens, les réalisateurs. Non, mais... J'étais sûr que tu allais rentrer dans ce créneau-là. Non, c'est genre la personne que tu peux taper, tu peux googler, puis ils vont parler de lui. Fait que ça peut être politicien, ça peut être... Mais si le plus jeune, il est mort à 2 ans, ça me surprendrait qu'on le connaisse. Évidemment. Non, mais ils ne vont pas parler de lui parce qu'ils parlent juste des personnalités publiques. Et le plus jeune, c'est José Fernandez. Ah, ben oui. Fernandez. Il est mort à 24 ans. C'est lanceur étoile des Marlins de Miami, merci. Et il est mort à une collision en bateau. Attends, c'est quel sport, ça, là? C'est le baseball. OK. Donc, collision en bateau et contre des rochers. Mais collision en bateau, il était-tu entre le bateau et le rocher ou il était sur le bateau? Il était sur le bateau, il était sur le bateau. Comment il est mort? Une collision, un accident. La vitesse, ils allaient trouver dans le bateau. Fait que les gens ont été projetés, propulsés, J'ai pas lu les détails. Ah, ça serait le fun d'avoir des rapports d'autopsie, des fois. Non, c'est sûr que j'ai pas les détails. J'aurais pas les détails de tous ces décès. En fait, c'est simplement pour souligner, saluer ces cadavres. Rendus probablement deux personnes froid. Que je me calisse complètement. Alors, repos. Ce que je trouvais un peu exagéré, c'est que les Marlins, je dirais pas commémorer quasiment toute la semaine. Là. Une fois, c'était, ils me montraient des photos sur l'écran géant pendant qu'il y avait l'hymne national, tous les joueurs pleuraient. Après ça, à la fin de la partie, ils étaient tout autour du monticule du lanceur, ils pitchaient leur casquette sur le monticule, okay. Ils étaient à genoux devant le monticule. Il y a tout le temps eu des peut-être un peu là. Un rituel. Voilà, c'est toujours un rituel qui... Bon, je comprends qu'ils sont touchés, je comprends tout à fait, mais peut-être c'était pas la meilleure manière. Je pense que c'était spontané, ces affaires-là. Oui, puis les rituels funéraires spontanés comme ça, quand quelqu'un qu'on a apprécié meurt, c'est humain, c'est naturel, puis on... Je sais pas, c'est comme tu dis, c'était peut-être spontané. C'est pour marquer une espèce de changement catégorique de la mort de quelqu'un. On fait la même chose souvent des fois avec la naissance, le mariage ou... Bref, reposer en paix. Et avant de continuer, j'aimerais juste que... Sauf le cardinal, il peut pas en aller en faire. Marc Jaudoin, juste vous étirer le bras et aller chercher derrière le rideau. Il y a un sac. Il y a un sac en haut, là. Un sac de chips croustilles derrière la boîte. Parce que moi, j'ai un haut taux de cholestérol. Il faut que je change mon habitude. Fait que j'ai décidé de mieux manger. Fait que je vais essayer des. Je vais vous faire essayer des nouvelles chips. C'est des olives, c'est des Maya. Est-ce qu'on a une commandite de Maya? C'est ça que les annonces. Aux olives. Moi, ce que je cherche, c'est des affaires sans cholestérol. Tout ce que j'achète maintenant, c'est sans cholestérol. Puis il y a quand même pas mal d'affaires sans cholestérol. Mais tu peux-tu mourir si t'as pas assez de cholestérol? Le bon cholestérol, on le retrouve... Dans les brosses à dents. Dans les fruits, dans les légumes, peut-être, je pense. Je sais pas. Attends, faut que tu lises ça. Les croustilles. Ingrédients, maïs jaune, cuit avec l'eau de chaud, huile de canola, olive noire, épices et sel. Mais non, avec l'eau de chaud. On retrouverait les cadavres avant de chaud pour ralentir la décomposition. C'est peut-être ça. C'est un lien avec le segment des deux cadavres dont on a parlé tantôt. Fait que dans deux semaines, je vais peut-être vous arriver avec un autre... autre aliment. Sans cholestérol. Ouais. La salsa. Parce qu'il y a pas mal. Mais maintenant, c'est la folie pour les aliments santé. Tu dis que le cholestérol, les bananes? Non, je pense pas. Regarde, va à l'épicerie. Regarde les pots de salsa, puis c'est écrit 100 gras dessus. Non, c'est vrai. C'est écrit 100 gras. Mais c'est ridicule que ça soit 100 gras. Mais qui indique ça, là? C'était quoi, à un moment donné, le trip des médias? Il n'y a pas ça dans les céréales, là, du. Du gluten. J'ai déjà vu ta Christy de pâte à dents, c'est marqué dessus sans gluten. Hey, come on. Le dernier album de Céline, il est sans gluten aussi, tant qu'à y être. C'est tellement en mode qu'il tombe dans le. En tout cas. Ouais. Ouais, c'est devenu en mode, ça aussi, dans, en tout cas, il y a 10 ans. Dans le gluten, ouais. Dans 10 ans, ça va être autre chose. Faut que tu finisses ta phrase, toi. Je l'ai fini pour lui. Non, je voulais dire, il y a 10 ans, il n'y a personne qui parlait de ça, le gluten, c'est-tu. Mais moi, je vais continuer ce que j'ai dit tantôt. Mais dans 10 ans, il n'y a personne qui va en parler non plus. C'est une mode. Ah ouais, tu penses... Oh oui, c'est comme... peut-être parce qu'il n'y en aurait plus nulle part. Mais avec les oméga, là, le monde trippait, c'est oméga. C'est ça. Il y a tout le temps quelque chose. C'est bon pour le cholestérol, les oméga 3. La diète sans hydrate de carbone. Là, le sucre. On remplace ça par de l'aspartame. Il y a tout le temps quelque chose. Je pense qu'on est rendu à M. Latrémouille qui va nous parler de... Bon, en fait, c'est sa chronique. Dans ma bibliothèque, c'est ça? Exact. Ce que je vais faire... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. On va le mettre à terre, comme ça fera plus de bruit. À qui tu parles? Je parle du téléphone, là, c'est parce que ça fait du bruit avec le micro, ça gosse. Tac! Ouais, j'ai décidé d'appeler ma chronique dans ma bibliothèque, parce que dans ma bibliothèque chez moi... j'ai beaucoup de livres, surtout qui parlent d'événements historiques, qui parlent de l'histoire. Voyons, j'ai perdu le lien ici. Qui parlent d'événements historiques, d'histoire, de grands thèmes, de petits thèmes, etc. Puis cette semaine, bon, j'étais un grand trippé de Napoléon Bonaparte, mais j'ai décidé de ne pas parler de lui. Oh, non, j'ai décidé de parler d'autre chose. J'ai décidé de parler d'une anecdote historique. Ah, ça, on aime ça. Ouais, mais ça sera peut-être pas comme... Non, une petite anecdote qui, à l'époque, tout le monde en parlait, mais ça a vite tombé dans l'oubli. Ouais, c'est ça. Puis ça s'appelle l'armée de Coxey en 1894. Coxey, c'est le nom d'un gars, Jacob Coxey. Mais avant de vous parler de ça, je veux vous parler comment le monde... vivait au 19e siècle aux États-Unis, parce que le sujet que je vais vous parler, ça se passe aux États-Unis. OK. Le phénomène de république démocratique n'est pas bien vu aux États-Unis au 19e siècle, surtout quand on parle du début. Là. Une des manières de se faire entendre pour la population, à part du vote individuel, c'est de se réunir en diverses associations volontaires, professionnelles, religieuses. Il y avait à l'époque de nombreuses cérémonies civiques où se déroulaient des défilés. Bon, des marches des milices locales, des pompiers, des différents corps de métiers. Des défilés lors des élections, même des marches funèbres lors de la mort d'un notable ou d'un président ou de quelqu'un de très connu. Puis on fait même des lors des événements jugés dignes de célébration, comme par exemple l'achèvement du canal de l'Erie en 1825. On marchait pour tout. On sort, puis on marche. Ça, c'était bien populaire au 19e siècle, au début, au milieu, puis à la fin. Lors de l'arrivée de l'industrialisation dans les années 1830, ça commençait un petit peu, là, les usines de textile principalement. Au début, il n'y avait pas des grèves, il y avait des turn-outs. Ça veut dire le monde démissionnait en masse pour protester contre certaines conditions. On sort puis on marche. Dans les années 1850, là, on commence à avoir un peu de grève. Ça a commencé un petit peu. Puis le même phénomène est resté aujourd'hui. T'sais, quand il y a des grèves, on sort puis on marche. La Révolution française, à la fin du 18e siècle, a changé l'Europe. Malgré tous les pays ont gardé leur royaume, les Français ont beaucoup influencé l'Europe. Quand Otto von Bismarck a créé l'Allemagne en 1871, il a introduit un système plus libéral puis plus indépendant envers l'empereur. Comme par exemple, il a fait des réformes dans le système scolaire. Beaucoup plus de scolarisation qu'avant. L'attribution d'une assurance chômage, d'un système de pension, de réformes dans l'attribution des emplois gouvernementaux. Comme par exemple, on est plus éduqué, donc cela revient au mérite et non plus au contact. Parce qu'avant, les fonctionnaires, mais ils réussissaient à avoir leur job parce que mon oncle, ma tante, le père, la mère, ils travaillaient là. Fait que, tiens, toi, le fils, viens t'en travailler. Mais à cette heure, c'est vraiment au mérite parce que le monde est vraiment plus éduqué. On sait lire, on est plus informé. Ce système en Allemagne va être très rapidement adopté partout en Europe et aux États-Unis. Dans les années 1890, aux États-Unis, ce sont maintenant des chômeurs qui participent à des marches. On sort, puis on marche. Si j'avais dit avant, c'était des démissionnaires. Après ça, des grévistes. Là, c'est des chômeurs. Ils font la grève de... Les chômeurs font la grève de quoi? Non, ben ils font pas la grève. Mais on sort, on marche. En fait, c'est vraiment sortir, marcher dans la rue. On proteste contre certaines conditions qu'on aimerait que le gouvernement aide plus pour réformer le travail. Comme par exemple, en 1893, il y a une grande crise économique aux États-Unis. Donc, en 1894, là, j'arrive à mon sujet principal. Jacob Croxley, un politicien de l'Ohio demande au gouvernement des États-Unis des programmes de travaux publics afin de mettre les milliers de chômeurs au travail. Pour se faire entendre, on sort puis on marche. Sauf, cette fois-là, c'est différent. On décide de partir de Massillon en Ohio, puis on n'arrêtera pas de marcher avant d'arriver à Washington, D.C. Puis, c'était très populaire à l'époque, c'était très suivi par les journaux. En tout cas, ça tient en forme. Oui. Mais la raison pour qu'on donne le nom de l'armée de Coxie à cette centaine de personnes, il n'y avait pas beaucoup au début, là, une centaine de personnes, qui sont la plupart des fermiers, des travailleurs industriels, des mineurs. La raison pour qu'on donne le nom d'armée, c'est parce que la discipline, il y avait une discipline paramilitaire puis une organisation fortement hiérarchisée. Fait que c'est pour ça aussi que ça a marché. Ils ont réussi à marcher de Massillon jusqu'à Washington. En plus, dans cette armée-là, d'une centaine au début, ce sont des gens du Colorado, du Kansas, de l'Illinois, de Pittsburgh, un peu partout qui rassemblent à Massillon avant le départ du matin du 25 mars 1894. Beaucoup de gens au pays qui ont été sceptiques à cette entreprise-là, qui voyaient déjà voir l'échec, parce que l'armée avait pas ou très peu de provisions. T'sais. Oui, c'était très hiérarchisé, oui, c'était très bien organisé, mais il y avait des défauts à un moment donné. Il n'y avait pas de provisions. Sauf que aussi, à l'époque, le seul moyen que les gens avaient de suivre les nouvelles à l'époque, c'était de lire les journaux. Puis, il y a des journalistes qui ont embarqué dans la marche puis qui faisaient des rapports à tous les jours. Ce qui fait que dès le départ, à chaque arrêt, on savait où est-ce que l'armée allait être. Comme par exemple, le soir, on savait qu'elle allait être dans telle ville. Puis, chaque arrêt prévu, il y avait toujours un comité pour les accueillir à cause qu'on avait su dans les journaux. Le maire de la ville, par exemple, des hommes publics, ils les encourageaient, puis ils leur donnaient du pain, de la viande, des œufs, du café, du thé. Donc, l'aventure a pu continuer. Puis grâce à ça, le 30 avril, l'armée arrive à Washington, maintenant à fort de 6 000 hommes. Puis moi, ce qui m'a vraiment épaté dans cette aventure-là, c'est qu'ils arrivent à temps pour le projet de loi sur les routes puis sur les emprunts qui allait être discuté par le Congrès. Sauf que, comparativement aux autres villes qui les avaient accueillis, les sénateurs de Washington puis les membres du Congrès américain restent cachés. La police les attend. Lorsque l'armée arrive, s'arrête sur le gazon du U.S. Capitol, qui est un endroit interdit de piétiner, les policiers, eux, ils en profitent puis ils se mettent à fesser dans le tas avec leur matraque. Parce qu'ils marchaient sur... Oui, ça, c'était une excuse pour pouvoir les arrêter. Puis en tout cas, je ne sais pas s'ils étaient liés avec les sénateurs ou ils revenaient donner des ordres de certains membres du Congrès. Mais bref, les bâtons volent, le sang qui coule, Coxey se fait arrêter, puis à ce moment, il y a 6000 personnes qui disparaissent dans la nature. Vip! Okay. Plus personne. Tu sais, on dirait que c'était comme un crescendo, là. On dirait que c'était... on arrivait à un pic, là, puis là, finalement, on arrive à Washington et... plus rien. Ils se sont fait fermer à gueule. C'est l'expression même de ce qu'est la démocratie. Je sais, mais c'est un événement. C'est pour ça que je dis que c'est une anecdote historique. À ce moment-là, on suivait énormément ce qui se passait. L'armée, est rendue à tel endroit. Oh, l'armée est rendue à Pittsburgh. OK, on va être à Washington dans 2 semaines. Parfait. Tout le monde suivait ça. Puis rendu à Washington, pif, les 6 000 personnes, après que la police est rentrée dedans, ils ont toutes disparu, puis il n'y a plus rien qui s'est passé. Est-ce que tu t'appelles l'armée, si tu parles du groupe? C'est un groupe. C'est, okay. Mais l'armée, c'est un terme, et non pas ouais. des gens armés. Non, ils n'étaient pas armés. On disait l'armée de Coxy parce que justement, à cause, c'était bien organisé, puis il y avait un ordre hiérarchique. En tout cas, pas assez contre l'oppression policière? Pas du tout. Aussi, ce qui m'a attiré l'attention à ce moment-là, c'est que 20 ans plus tard, Jacob Coxy va vouloir répéter l'exploit en 1914. Il va encore faire une marche, il va encore se rendre à Washington, mais cette fois-là, les journaux ne suivront pas l'événement, puis ça va tomber encore beaucoup plus vite dans l'oubli parce qu'il y a à ce moment-là, en 1914, des tensions au niveau international qui a mené à la Première Grande Guerre mondiale. Ils se font-ils arrêter pas mal plus vite? Non, eux autres ne se font pas arrêter à ce moment-là. Comme je dis, l'opinion publique s'en fout complètement de cette deuxième marche-là en 1914. Ce qui est arrivé à ce moment-là, Frank Baum a été un témoin, ça c'est un écrivain, a été un témoin de la marche en 1894. C'est un auteur de pièces de théâtre, c'est également l'auteur du Magicien d'Oz. Pendant longtemps, on dira que le Magicien d'Oz est inspiré de l'armée de Coxy. Comme par exemple, le personnage de Dorothy, qui marche, de l'épouvantail, qui représenterait le fermier américain, l'homme de métal, qui représenterait le travailleur industriel, le lion font une longue marche le long de l'allée de briques jaunes, demander de l'aide au magicien qui serait en fait une fable du président des États-Unis. Les souliers d'argent de Dorothy, dans le film, sont en rubis, mais dans le livre, sont en argent, représenteraient la valeur sur laquelle Coxy voulait baser l'économie américaine, soit sur l'argent et non sur l'or, parce que la ligue de briques jaunes, et non sur l'or, parce que c'est ça qui avait causé la crise économique de 1893 à cause d'une pénurie de l'or. Bref, je voulais parler de cette petite anecdote-là historique, parce que quand je lisais ça dans le livre de Bully Pulpit de Doris Kearns Goodwin, c'est juste été écrit en anglais, ça n'a pas été traduit en français encore, je lisais ce petit passage-là qui est à peu près de 5 pages dans une grosse brique de 400 pages. Puis on dirait que c'est ça qui m'a vraiment attiré plus l'attention. Ah oui, ils marchent là, ils sont rendus à Pittsburgh. Ah oui, ils arrivent à Washington. Et on dirait, j'avais justement un presque orgasme rendu là et plus rien, j'en suis tellement déçu. Mais l'histoire se répète, on l'a vu très bien avec 2012. Quand est interrompu. Quand la population s'exprime, on y ferme la gueule. Ah. C'est la démocratie. T'as juste le droit de t'exprimer dans des élections qui ne servent pas à grand-chose. Finalement, oui. Martin Luther King. C'est quoi le film, là, Martin Luther King? C'était quoi la ville? La ville, il y a eu un film. Sherbrooke? Non, puis le titre du film, c'est la ville, ça finit en A. Birmingham, en Alabama? Non. Alaska. En tout cas, c'est ça, là. C'est encore des marches, puis tu sais, ils se font mettre des bâtons dans les roues, puis... Non, ben oui, c'est tout récent, là. Bon, ça va me revenir. Tesla, quelque chose de même. On va te dire ça. OK. Alors, nous refermons le livre de Marc Latrémouille. Nous remettons dans la bibliothèque. Et maintenant, on va passer à la chronique ou aux mots de Marc Jodoin. Bon, moi, j'ai écrit en 1989, donc à l'âge de 17 ans, un texte sur la manipulation des médias, de la presse écrite. Et je vous cite un passage qui dit que... Les médias sont en fait une industrie économique qui ne sert qu'à faire et à produire de l'argent. On ne se sert plus du quotidien pour analyser une situation, mais plutôt pour divertir. Le journal doit être une lecture excitante, intéressante et plaisante. Ça doit vendre. Pour citer l'acheteur, donc le lecteur, il faudra tous ces aspects. Si dans un quotidien, il manque un ou plusieurs de ces aspects, le lecteur ne sera plus attiré par celui-ci et ne l'achètera plus ou ne le lira plus. On doit donc, dans un certain sens, construire le journal de façon à ce que la clientèle achète ou lit une nouvelle, ce qui implique donc une manipulation de l'information. Là, maintenant, je vais faire un lien ici avec la nouvelle réglementation qui a été adoptée à Montréal hier par rapport aux pitbulls. Pas les pitbulls! Les pitbulls! Ouf, ouf! Une réglementation qui a été votée à 37 contre 23. Pas besoin de vous dire que l'ensemble du parti de Coderre, qui sont tous pareils, ils pensent tous pareils, ils ont tous voté pour, dont la grosse vache d'Annie Sanson et le gros porc de Denis Coderre. Une loi qui a été passée à la va-vite avec des discussions très rapides. Il y a 5 études dans le monde qui ont été faites sur le bannissement des pitbulls dans les villes, parce que là, on parle de bannir les pitbulls à partir du 3 octobre, lundi prochain, vous n'aurez plus le droit d'avoir un pitbull. Les pitbulls, non, mais tu as le droit d'avoir tu gardes ton pitbull. Tu gardes le pitbull, mais attention, tu vas voir que quand tu vas tu gardes ton pitbull, ça va te coûter cher. Il faut qu'il y ait une muselière constamment. Fait que je ne sais pas comment il va manger. Il faut qu'il soit constamment en laisse. Et ça prouve que les chiens en laisse sont plus agressifs que les chiens qui ne sont pas en laisse. Il ne faut pas qu'il y ait une muselière dans sa maison. La loi ne le dit pas. La loi est tellement vague, elle a tellement écrit, elle la va vite, sans aucune forme d'études scientifiques sur le long terme. Toronto l'a fait en Ontario et ils ont fait ça sur un an. Qui a d'ailleurs démontré que le taux de morsure n'avait pas diminué, mais augmenté. Mais bref, sur les 5 études qu'on a trouvées dans le monde, 3 démontrent que le bannissement des pitbulls ne sert absolument à rien et dans certains cas, les morsures ont augmenté. De pitbulls, non. Pourquoi? Mon lien avec les masses médias et la désinformation, c'est que les pitbulls ne sont pas les chiens les plus dangereux, c'est complètement faux. Malgré les statistiques apportées par Ali Sanson, qui sont d'ailleurs... très, très louche. Certains de ces chiffres, on les retrouve sur 2 sites américains qui sont mystérieusement des sites anti-pitbull. Il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques sur des statistiques sur les attaques des pitbulls. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a une étude qui a été faite, par exemple, par le National Geographic sur les morsures de différents animaux, parce qu'Alain Sanson est arrivé avec des chiffres sur le fait que le pitbull mord à 200 kg par centimètre carré, le requin 500, le berger allemand, etc. Le National Geographic ont fait des analyses scientifiques qui ont démontré que le pitbull, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 45. Attendez, j'ai les chiffres ici. C'est 40, le 42, c'est le requin. Le pitbull, c'est 17 kg au centimètre carré. Je pense que les chiffres avancés par les Sansons, c'était 150 ou 200, quelque chose comme ça. Ça, c'est des analyses scientifiques. Le loup, c'est 28. Bref. La National Geographic, c'est scientifique, c'est pas une Sanson, là. Non, National Geographic disent que le pitbull va mordre à 17 kg au centimètre carré. Et puis, Annie Sanson, elle, je crois que c'est aux alentours de 200 ou 150. Donc, des chiffres complètement qui n'ont absolument aucun rapport. Donc, ça, c'est un élément de désinformation, les chiffres avancés par Annie Sanson. L'autre chose, c'est que j'ai regardé un excellent reportage à Découverte sur les pitbulls qui parlait de leur origine, d'où viennent les pitbulls, c'est croisé par quel animal. Les différentes études sur l'agressivité des chiens ont fait intervenir un vétérinaire spécialiste en comportement animalier pour démontrer qu'il y a plusieurs choses importantes. C'est que premièrement, quand on parle de race de chiens, les chiens sont également des individus. Donc, associer une race de chiens à un caractère, c'est complètement faux. C'est comme si on dirait, par exemple, que les Anglais réagissent comme ça, les Français réagissent comme ça, les Allemands réagissent comme ça. C'est des généralités. Déjà, en partant, ça tombe mal. Les chiens ont également des personnalités. De plus, les chiens peuvent avoir aussi des problèmes de santé mentale. Ils peuvent souffrir d'angoisse. Dès la naissance, les chiens peuvent souffrir de différents troubles qui peuvent les rendre plus agressifs. Ce qui inclut toutes sortes de chiens, parce que tous les chiens ont un potentiel de mordre. Tout. D'ailleurs, les chiens qui mordent le plus au Canada, ce sont les huskies, les bergers allemands et les dobermans, et je crois qu'il y avait aussi le rottweiler. Le pitbull se trouvant vers la fin à 4%, je pense, des attaques au Canada. Donc, avec tous ces éléments-là, le problème à la base n'est pas le chien en tant que tel, parce que, un, les chiens ont des personnalités, les chiens peuvent avoir des troubles mentaux, les chiens, leur comportement d'agressivité est énormément lié aussi, pas seulement au gène. Il y a un petit facteur de gène, mais il y a un facteur aussi très important d'environnement. Peux-tu t'interrompre? Oui. Marc? Oui. Moi, ce que je retiens dans ce que tu as dit, c'est au début. Là. Tu dis, malgré qu'à Toronto, il a banni les pitbulls, les morsures ont augmenté. Puis parce moi, que je l'ai vu, la crise de loi de Coder donne un sentiment de fausse sécurité aux Montréalais parce que les pitbulls ne sont pas la majeure partie des chiens qui mordent à Montréal. Ce ne sont pas eux le problème, mais c'est d'autres types de chiens. En mettant cette loi-là, les Montréalais vont se croire en sécurité alors que les morsures risquent d'augmenter. Moi, ce que je vois là-dedans, là, justement, ils risquent d'augmenter. Donc, si on passe, on a déjà passé la loi. Après ça, on se gênera pas pour passer une autre loi. Après ça, pourquoi ça risque d'augmenter? Tous les chiens de plus de 100 livres, ben, on les bannit. Moi, mon chien paye 110 livres. Il va passer dans le tordeur. Je trouve ça aberrant. Pour l'instant, on bannit les pitbulls, mais après ça, ils veulent élargir la loi pour les chiens à risque, les chiens dangereux. Mais quels chiens dangereux? Eh bien, les chiens qui vont avoir mordu. Donc, on va faire évoluer la loi quand il va y avoir d'autres blessés. En passant une parenthèse, Denis Coderre a décidé de faire sa loi il y a un mois quand il y a une Christiane, je ne sais plus c'est quoi son famille, est morte attaquée par un chien. Première des choses, c'est qu'on ne sait même pas si c'est un pitbull. Il y a 10 races de chiens qui ressemblent à des pitbulls. Souvent, les chiens vont les associer au pitbull. Personne n'a dit que c'est un pitbull. Je veux dire, personne n'a dit que c'est un pitbull. Tu regardes tous les articles qui vont dire un chien. Les médias ont eu une mode, il y a quelque temps, de sensationnalisme, pitbull. C'est brainwashing. Il y a deux semaines, j'étais chez mon vétérinaire, justement, puis il y avait une photo de 12 chiens là-dessus. Ça ressemblait tous à des pitbulls, sauf peut-être un ou deux, puis il dit, devinez lequel est un pitbull. Ça ressemblait tous à des pitbulls, mais pourtant, il n'y en a aucun qui l'était, sauf celui qui ne ressemblait pas à un pitbull, c'était un pitbull. Okay. Alors... Il y a un membre du parti opposé à celui de Denis Coderre qui a voté contre et lui dit, lui, que déjà en partant, la ville de Montréal a de la difficulté à faire appliquer les lois présentes qu'il y a sur les chiens dangereux, par exemple, la tenue en laisse, les chiens dans les parcs. Déjà, Montréal a difficulté à faire appliquer une loi comme ça. Ils veulent faire appliquer une loi encore plus sévère qui va punir des gens. Les pitbulls ne sont pas des chiens qui sont dangereux. Les maîtres sont dangereux. Un pitbull peut devenir dangereux si, par exemple, il devient un chien de garde. Il est entraîné pour devenir un chien dangereux. S'il vit dans une famille ou des gens qui ont tendance à être des personnes agressives, les chiens pitbulls, leur genre de personnes qui vont les acheter, c'est des gens qui sont attirés envers ce genre de malamute-là, de mastodonte-là. Des gens qui ont besoin de chiens virils, des chiens agressifs. Donc, ils vont les rendre agressifs. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Coderre? Parce qu'il y a du monde qui frappe à sa porte puis qui disent, là, on est tanné, là, on se fait mordre. Oui, tu dis qu'il va faire de quoi pour installer une fausse sécurité. Mais c'est parce qu'on cogne à sa porte. Là, les gens en parlent. Les gens, personne qui a cogné à sa porte. Les gens en parlent. C'est du populisme. Oui, mais il y a toujours eu des mouvements. Moi, je me rappelle, ça remonte peut-être à j'ai 40 ans, donc il y a peut-être une trentaine d'années. Rien n'avait bougé, mais je me rappelle qu'il y avait un père, sa fille avait été mordue, puis il avait fait un mouvement, il avait créé un mouvement, ça n'a pas avancé loin, puis alors voici, on n'entend plus parler. La SPCA propose, d'ailleurs la SPCA a menacé de cesser son programme à Montréal si la loi passait. La loi passée, la SPCA risque de plus s'occuper des animaux dans 19 arrondissements, je pense, de Montréal. Mais le Berger Blanc avait dit qu'il voulait reprendre. Berger Blanc, c'est dommage, c'est un centre d'animaux qui a une très mauvaise réputation parce qu'il a pas l'air de... Il ne semble pas traiter très bien les animaux qu'il ramasse. Ce que la SPCA propose, c'est premièrement appliquer les réglementations qui existent déjà. Ça va aider, hein, parce qu'en ce moment, ils sont très peu appliqués. Ouais. De la tenue de la laisse obligatoire dans les lieux publics. L'enregistrement et l'identification obligatoire des chiens, ce qui n'est pas le cas, puisque la majeure partie des chiens qui attaquent, il y en a beaucoup là-dedans qui ne sont pas enregistrés. Interdire des méthodes d'entraînement aversives. On interdit tout simplement d'entraîner les chiens pour être des chiens de garde. Moi, je suis complètement pour ça. Interdire l'utilisation des chiens à des fins de garde, c'est ce que je viens de dire. Interdire aussi l'enchaînement en permanence. On interdit d'attacher les chiens en permanence, ça les rend extrêmement agressifs. Encadrer l'élevage et la vente. Déposer une plainte. Avoir des procédures claires et équitables lorsqu'on doit déposer une plainte ou signaler une morsure. Et puis, il faut vérifier aussi l'état psychologique, vérifier si le propriétaire n'a pas un casier judiciaire. Le problème, à la base, c'est le propriétaire. Donc, c'est eux qui devraient être punis et non pas les chiens. Parce que là, ils risquent d'avoir un paquet d'animaux innocents qui risquent de se faire euthanasier. Puis ça, c'est classique. C'est une loi qui est faite à la va-vite, qui va mal finir. Puis déjà, en partant, il y a des groupes et des avocats qui vont la contester parce qu'une loi municipale, on peut la contester pour son absurdité. Ce qu'on ne peut pas faire au provincial et au fédéral, ce qui est assez drôle parce que provincial et fédéral, il y a un tas de lois absurdes. Mais Montréal a souvent voté des lois absurdes comme, par exemple, le P6, l'interdiction de manifester, port du masque, puis cette stupidité-là, par le même groupe de Coderre qui était avant Stéphane. C'était quoi, celui qui ne se souvenait jamais de rien? Tremblay. Trois quarts des membres du groupe de Gérard Tremblay sont dans le groupe de Denis Coderre et c'était des gens corrompus à l'os. Fait qu'en ce moment, on a encore une gang de pourris qui votent une loi pourrite. Qu'est-ce que Denis Coderre aurait dû faire, là, je vais te le dire? Il aurait dû faire une genre de commission d'enquête avec des intervenants, comme par exemple des vétérinaires qui viennent témoigner justement, eux, des morsures des chiens. Puis tu entends un vétérinaire dire que c'est pas les pitbulls qui mordent le plus, c'est justement les bergers allemands, c'est d'autres races de chiens. Doberman, le ski. C'était voté très vite, cette affaire-là. Un mois. Ça l'a pris un mois, alors que Toronto, ils ont fait ça en un an. Ils ont fait des interventions, plusieurs spécialistes, des gens qui sont venus s'expliquer. Il y a même une femme qui est venue s'exprimer devant Denis Coderre il y a une semaine à peu près pour exprimer son désarroi face à cette loi-là qui était faite. Trois lèvres vite. Denis Coderre a demandé qu'on ferme le micro. Ça, c'est la démocratie. Puis le petit à Québec, là, le petit maire, c'est-tu les mêmes lois? Il a passé la loi, lui aussi, là. Il n'y a plus de bon interdit à Québec. Comment il s'appelle encore, le gars, à Québec? Parasite, là. Non, on a un blanc. Michel, non, attends. on fait dur, là. Ouais. Ouais, voyons donc, mais en même temps, on s'en calisse. On va vous trouver le nom du maire. Puis justement, le film dont je parlais tantôt, Martin Luther King, c'était Selma. Mais ben moi, je voulais juste finir en concluant que si on voudrait vraiment cesser faire une loi sur les chiens dangereux, ceux qui blessent, ceux qui tuent, ça serait de commencer par les chiens de la ville de Montréal qui travaillent en toute impunité, en harcelant, en menaçant, en faisant des arrestations illégales, en manipulant l'information de leurs rapports, en agressant les gens. Les flics, ça serait déjà un bon début. Puis le petit maire dont on voulait parler, dont on parlait, c'était Régis Labombe. Alors, c'était une chronique sur les pitbulls. Ouf, ouf. Je voulais dire Régis Labombe, il ressemble à un petit Napoléon. Même tendance, là. Petit facho, là. Bon, il semblerait que c'est à moi, la dernière déjà de cet épisode. Alors, ce soir, vous vous coucherez pas moins niaiseux, car c'est ma chronique culturelle, ma chronique culturelle. Ça vient d'où, cette chanson? Passe-partout. Ça vous dit quelque chose, hein? Je sais Passe-partout, je suis trop vieux pour Passe-partout. Je vais vous donner un indice, Michel Forget. Michel Forget? Ouais. Stack au tac? Ouais, je vous donne l'indice. C'est ma chronique culturelle, ma chronique culturelle. Du tac au tac, Jesus Christ. Non, mais c'est pas du tac au tac. C'est pas du tac au tac, c'est un indice, c'est Michel Forget qui faisait des annonces de... Peinture. C'est la Parisienne, c'est la Parisienne. L'eau de Javel, non? Okay. Oui, l'eau de Javel, la Parisienne, je suis d'accord, mais je me souvenais pas que c'était Michel Forget qui faisait ça. Alors, dans cette chronique culturelle, je vais parler de plusieurs choses, dont ma première chose, c'est la dernière toune que je me suis acheté. Donc, la dernière toune qui figure dans mon iPod, la dernière toune, c'est une chanson de death metal. C'est du death mélodique qui provient du death mélodique qui provient des États-Unis. Le nom, alors j'y vais, c'est Algaeon. Algaeon? J'en ai aucune idée comment on prononce. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est les paroles. Vous allez avoir un indice. Le titre de la toune, c'est All Hell Science, et non pas All Hell Satan ou All Hell Murder. Non, c'est All Hell Science. Ça ressemble à quoi les paroles? C'est The greater minds of ancient times, Imhotep to Democritus, seek to find and bring to light the reasons we exist, theorize, substantialize, polymath by definition, delve into a brave new world of physics and atomisms. All hell knowledge, all hell science. Donc, c'était juste pour dire aux petites madames catholiques que le death metal, ça parle pas juste des démons qui tuent. Je comprends pas. Mais avant ça, t'avais Carcasse. Carcasse, le groupe death metal qui faisait des paroles sur les autopsies, les différentes analyses de décomposition du corps humain. Il y avait un gang, je pense, qui étudiait en médecine, donc les paroles étaient très scientifiques. Non, c'est sûr, ça. De toute façon, cette toune-là, c'est une toune, un groupe parmi tant d'autres. Là, si on lisait les paroles, on verrait bien que... All hell science. Ça s'occupe de... Comment ça, toi, tu comprends pas l'italien? J'ai pas rien compris, c'est dit. Parce que c'est trop scientifique pour toi. Ah, bon. Alors, l'autre petit segment, j'ai été voir sur iTunes la toune numéro 1, Metal. Et c'est la toune de Volbeat, un groupe danois, je pense. Ouais, groupe danois. Et la toune, c'est The Devil's Bleeding Crown sur l'album Seal the Deal and Let's Boogie. The Rockabilly. Let's Boogie. Ouais. C'est une toune assez moyenne. Moi, je préfère de loin le vieux Volbeat. C'était pas mal plus heavy. Mon amour s'est arrêté après Guitar, Gangsters and Cadillac Blood. Ça, c'est un autre titre d'album. Volbeat que j'ai pu voir au Heavy Montreal. Un groupe qui était un des derniers, donc qui était un des plus populaires. Et effectivement, ça pognait pas mal, ça a pogné. Ça groovait. Ouais, mais ça plaît pas à tout le monde. Mais faut dire que ça a changé. Ça s'est beaucoup adouci, puis... Commercial? Ouais. Moi, je trouve que ça m'emmerde un petit peu, Volbeat Tester. Mais dans le temps, ça a rocké en la barnouche. Vas-y. Non, j'allais te demander si t'avais quelques paroles. De Volbeat, j'ai une de mes meilleures chansons, c'est... Prom... C'est quoi, donc? Forever and ever until today. Non, c'est pas ça. Oh non, c'est assez ça. I still believe you can hear me. Ça, on va prendre ça chante un peu sur l'amour, un peu style Elvis Presley. Il y a beaucoup de thèmes d'amour, quand même. Ouais. L'horreur est humaine. Ah, bon, pour faire plaisir aux francophones, il y en a peut-être un ici. L'album numéro 1 dans Toom, c'est La Route Infinie. Et ça, c'est de Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault, le petit couple, là. Super cute. Qu'une des équipes. Oui, oui. Elle est enceinte, elle, non? C'est vrai. On... Je sais pas. Ça veut dire qu'il l'a baisé. C'est ça, ma blonde. Elle, c'est Don Juan. Don Juan, Jean-François Brault, un être super sympathique et une femme et très jolie. L'amour très est jolie. Dans le pré. Et l'animatrice de ça. J'ai pas ton âge, moi, là. Mais c'est quoi, ça, l'amour est dans le pré? Ça parle de quoi? Ça, c'est des fermiers, des fermiers qui n'ont pas le temps d'aller sur des sites de rencontre, d'aller dans les bars pour rencontrer du monde, leur douce moitié. Ou, fait qu'ils passent dans cette émission-là pendant quoi, qu'ils passent à travailler sur la ferme. Quoi, des sites de rencontre pour Farmers? Ouais, ça monte à la TV. Christ. C'est elle qui anime, c'est ça? C'est elle qui est l'animatrice. Il y a du monde qui écoute ça. L'art de non, j'ai jamais écouté ça, non, non. Mais... En tout cas, pour nos auditeurs qui trippent sur la musique francophone, ben vous serez heureux ou pas de savoir que c'est La Route Infinie, l'album. Il n'y a pas longtemps, il y avait Plume à Traverse qui est revenu en force. Oh yeah! Il a fait un album, le Sapristi. J'ai décidé aussi d'aller voir le Billboard américain, Billboard 100. Je ne me tentais pas d'expliquer, d'énumérer les 100 tunes les plus populaires. Alors, j'ai lancé un dé 100. Il aime ça lancer des dés. Et je suis tombé sur le numéro 40. Au numéro 40, on retrouvait The Weeknd. Ça, c'est le nom de... Je ne vais pas noter son nom. Je vais encore laisser un petit peu. Mais ça, c'est comme son pseudonyme. The Weeknd featuring Daft Punk. Et la tune, c'est Starboy. Starboy, Calvin. Et c'est du pop R&B. C'est quand même bien. Daft Punk, ils existent encore. Ben oui. Ouais. Puis ils ont participé à cette tune-là. Ouais. J'aime bien quand même la tune Petite Érection. Elle est meilleure que celle acoustique. Il a fait une version acoustique, puis c'était correct, mais sans plus. La tune s'appelle Petite Érection. Non, non, moi, j'ai une petite érection à l'écoute de la chanson. Elle est quand même bien. Dans la tune, je voulais me renseigner là-dessus. En tout cas, bref, dans la tune, il dit souvent le N-word. Le mot que les Blancs ne peuvent pas dire. Ah, nigga! Mais que les Noirs peuvent se dire. Je déteste. À un moment donné, j'écoutais une toune là, pendant que je m'entraînais. Puis je riais du monde. Là, c'était « I'm rich and you're a bitch. You're a bitch and I'm rich. » Ça n'arrêtait pas. Ben, c'est « bitch » et « nigger », c'est des mots qu'ils aiment souvent dire. Des fois, je regarde des petites vidéos sur YouTube. Puis, je sais pas, c'est des petits mots qui reviennent souvent. On dirait des personnes en pudding. Mais les Blancs, s'ils disent ce mot-là, c'est comme si on faisait le salut nazi. Puis les fans de The Weeknd seront heureux d'apprendre qu'il a changé sa coupe de cheveux. Ah, shit, man! Comment, pas vrai? Ouais. Ah ouais? Il avait des dreads, puis il a mis ça aux poubelles. Ah non! Ouais. Il avait peut-être trop de poux. Nous allons maintenant parler cinéma. Wouhou, Jamal! Yeah! Il était temps, je veux savoir qu'est-ce qu'il en pense du film. Non, je ne suis pas encore rendu à ma critique de film. Ah, là, j'ai été voir le palmarès Cinoche, alors les films qui pognent le plus au Québec. Cinoche, pas français? On va pouvoir. Oui, c'est québécois. Ah, je pensais que c'était français de France. Ben non, alors au québécois, numéro 1, Les Sept Mercenaires, le remake. Mm. Hein, un autre remake. On en avait-tu besoin? Ça fait de l'argent. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Oh, woo-hoo! Jesus Christ. Chris Pratt. C'est un acteur, ça? Ouais, moi, en tout cas, j'ai jamais vraiment capoté sur lui. Là. Ah, c'est pas lui qui est dans Avatar? Non, ça, c'est Sam Worthington. OK. Chris Pratt, c'est Jurassic, le nouveau. Et, Guardians of Galaxy. Ah, OK, ouais. Super bon film. Numéro 2, film d'animation, Storks, en anglais, Les Cigognes en français. Ça, j'ai vraiment pas entendu parler de ce film. Numéro 3, de notre cher Xavier Dolan. Juste la fin du monde. Un film mitigé selon les critiques en France. Moi, j'aimerais juste dire que j'ai figuré dans deux de ses films, Lawrence Anyways et son dernier, je ne me rappelle plus le nom. Mais je l'ai trouvé très, très sympathique, très relax, beaucoup d'énergie, le jeune fringant. Ben, c'est ça, je l'ai demandé. Beaucoup d'humour. Sur un plateau, comment il est, lui? Il est vraiment le fun. T'as-tu demandé que tu lui montres ton pénis? Parce que c'est un homosexuel? Non, juste parce qu'il aime ça, les pénis, pas pareil. Non, ben c'est ça. Non, c'est un être normal. Mais comme je dis, c'est ça, il est vraiment avec les comédiens. Je l'ai vu diriger Yves Jacques, j'ai vu diriger Kathy Bates. Puis vraiment, là, il est relax, c'est pas de stress. Quel film? Misery. Kathy Bates. Non, je sais c'est qui, mais dans quel film de Xavier Dolan? Son dernier. Juste la fin du monde? Oui. Non, son dernier qui n'est pas sorti. Qui n'est pas sorti encore. Oui. Enfin, à chaque semaine, de toute façon, un film. Si. Fait, ouais. Mais je l'ai vu en entrevue dans des entrevues françaises, là, notamment On n'est pas couché, puis il a l'air tellement sympathique, tellement cool, tellement vrai, tellement franc, tellement sincère. La plupart des acteurs que j'ai vus qui étaient avec lui, qui ont travaillé avec lui, trippent sur lui justement pour sa sincérité, sa franchise, sa spontanéité, sa créativité. Parce que c'est un petit génie. Ouais. Je l'ai vu dans les émissions en anglais, un talk show de George Strombolopoulos. Puis, mais il parle bien anglais, hein, en passant à Xavier Dolan. Puis, à un moment donné, il pose la question, il dit, finalement, tu sais, vu que t'es le fils de quelqu'un, là, d'un acteur, est-ce que c'est de la chance ou bien c'est du travail? Là, lui, tu dis, c'est du travail. Puis après ça, il a passé 2 secondes, il fait, non, c'est de la chance. Ben, à son âge, il n'a pas travaillé. Ben oui, il travaille sûrement fort, mais... Il n'a pas roulé sa bosse longtemps, disons. Mais ça, on va pas être trop chauvin, on va passer à un autre film. Oui, puis en passant, Xavier Dolan, je l'ai vu aujourd'hui dans la forteresse suspendue, parce que quand c'était un petit cul, ben, c'était un comédien. Mais dans Martyr, il se fait tirer au shotgun. Oui. Ça, c'est agréable aussi de le voir se défoncer. L'estomac par un shotgun. Quatrième position, Sully, de Clint Eastwood avec Tom Hanks. Je suis pas un grand fan, personnellement, de Clint Eastwood, le réalisateur. Gueule, il fait encore des films, bordel. Oui, puis Sully, c'est une histoire vraie d'un pilote qui réussit à déposer la... Comment? Déposer, puis les médias sont tournés contre lui. C'est pas attiré, mais c'est plus amiré, qu'on dit. C'est pas quand c'est sur l'eau, ouais, ben je pense que c'est ça, ouais. Ou le fleuve. Atterrissage de force. Affleuré. Bref, c'est ça, il passe pour un héros, puis après, ben il se fait cracher dans la face. Pour une raison que j'ignore. Je me souviens de cet événement-là qui est arrivé, puis je me souviens, le pilote, justement, tout le monde disait que c'était un héros, mais je me souviens pas la deuxième partie, lorsque on l'a critiqué, je me souviens pas du tout. Mais je vous suis quand même assez bien du nouvelles. Pilote québécois, Piché, là. Piché. Bon, il n'avait pas pu aller à la conférence de presse, il était en Europe, les médias s'attendaient à de l'émotion, à des révélations choc, mais il y avait encore une enquête sur l'affaire qui est arrivée avec son avion. Il y a un journaliste qui ne l'a pas très apprécié. Des fois, la désinformation, ça peut être très simple. Donc, il n'a pas apprécié l'absence. C'est l'absence parce qu'il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu d'émotion. Il n'a pas pu publier ce qu'il voulait pour satisfaire son lectorat. Donc, il a écrit des saletés sur quoi encore? Piché. Donc, par la suite, d'autres journalistes ont fait des enquêtes sur lui. Ils se sont rendus compte qu'il avait passé de la coke aux États-Unis, qu'il avait fait de la tôle, qu'il avait pris de l'alcool. Donc, une campagne de salissage, une agréable campagne de salissage s'est faite contre lui. Surtout parce qu'il n'a pas pu aller à la conférence de presse. Des fois, les journalistes, ça peut être des véritables crapules. Puis moi, personnellement, j'ai un peu de misère avec les films qui relatent des faits vécus parce que j'aime pas ça me faire manipuler. Puis j'ai l'impression souvent qu'il y a des rajouts. Oh, oui, tu sais, des fois, il y a de la gomme ballon, des histoires d'amour. Ben, c'est clair. Justement, le cinquième film, la cinquième position, c'est Snowden. C'est ça que j'allais dire. Snowden, le documentaire, là, calvaire... De la Québécoise. Citizen 4. C'est pas de la Québécoise. C'est un nom québécois. C'est quoi son de Laura quelque chose, non? Je pense pas, mais. Citizen 4. Documentaire Citizen 4, vraiment bon. Citizen 4, un documentaire excellent. Reste à voir Snowden. Laura Poitras. OK, les critiques sont pas mauvaises, mais toujours meilleur le documentaire. Laura Poitras, il paraît que c'est la réalisatrice. OK, je vais y aller vite. Sixième position, le bébé de Bridget Jones. Septième position, Blair Witch. Je vous en parle dans quelques secondes. Huitième position, un autre film d'horreur, Don't Breathe. Neuvième position, The Mechanic Resurrection. En parlant de Don't Breathe, Jason Statham, c'est un gars qui devrait arrêter de respirer par le nez. Lui aussi fait des petits sons. Hein. C'est fatigant. Et dixième position, un film qui paraît qui est vraiment, vraiment minable et une grosse déception, Suicide Squad. Alors, critique... d'un film que j'ai été voir pour vous. En 1999, ce fut le phénomène de Blair Witch Project. J'ai été parmi ceux qui ont adoré le petit bijou. J'ai complètement embarqué dans cette grande réussite. J'ai été conquis et, oui, terrorisé. Depuis, les found footage ont pullulé tels des pustules. Tout le monde, en tout cas, found footage, une description en deux mots. Un pseudo-documentaire caméra sur épaule pour rendre la crédibilité plus efficace en faisant une espèce de film vrai. Parfois très bon, souvent merdique. Ce genre est, je dois l'avouer, un de mes préférés. Parmi eux, il y a Wreck, Paranormal Activity, Le Dernier Exorcisme, Cloverfield, etc. Troll Hunter, oui. Il va peut-être avoir un remake américain. Ah, c'est bon. Maintenant, ma critique de Blair Witch, une espèce de... C'est pas un remake, d'après ce qu'on peut voir, c'est un sequel. Parce que c'est la suite, c'est le frère de Jennifer. Excusez-moi, je me rappelle peut-être pas du nom Geneviève ou Jennifer. C'est peut-être la fille qui morve dans la caméra. Ouais. Son frère veut aller la retrouver. Je vais commencer par les fleurs, ce que j'ai aimé. Attends, il veut la chercher pour la retrouver. Il sait qu'elle a disparu. Ça s'est passé 10 ans plus tard. Là. Ouais, c'est ça. Il veut la retrouver. La chercher parce qu'il est comme tombé sur un film sur YouTube où est-ce qu'il croit l'apercevoir. OK, donc 10 ans plus tard, elle est encore en vie dans la forêt, genre. Ouais, ben lui, il a espoir. Il a espoir. Est-ce dans la forêt, ah, c'est crédible, ça. Ben il sait qu'il est parti là-bas. Il sait que les. Ouais, mais le film YouTube, c'est un film qui se passe dans la forêt qu'il a vu? Oui, c'est dans une cabane décollissée. OK, fait que les fleurs, je me suis pas vraiment emmerdé. J'ai pas regretté de voir le film. La maison, ouais, je la trouve très hot. La maison qu'on retrouve dans le bois, dans les bois. À la fin du vraiment, jeu. Là, oui, elle a fait de l'effet, sa bûche. On voit un peu la sorcière, puis moi, ça ne m'a pas dérangé. Ce que j'ai aimé dans Blair Witch Project, c'est qu'on ne voyait absolument rien. Mm-hmm. Dans celui-là, on voit un peu la sorcière, mais c'était un peu ce que je voulais. Du CGI ou... Non. Ah, cool. Non. Maintenant, le pot, il y en a beaucoup. Les jumpscares sont horribles. Les jumpscares, c'est vraiment un peu... J'ai compare des jokes de mon oncle d'un party de famille. C'est insultant, c'est minable, c'est des jumpscares gratuits. C'est tout le temps genre un ami, un collègue qui arrive. « Hey, comment ça va? » Le chat. Miaou! C'est un jumpscare qui fait peur à un personnage et au spectateur en même temps. Ça marche pas, c'est fatigant, c'est surtout insultant. Beaucoup de bruit aussi pour rien. Pourquoi il faut tout le temps crier quand on va voir quelqu'un pour dire hey, « comment ça va, man? Oh, excuse, hein? arrête de me faire peur! » Il va piquer dans le micro. Crédibilité des acteurs, très, très moyen. C'est important dans un found footage. L'équipement des personnages qui s'en vont faire leur documentaire dans le bois pour aller chercher la fille, ben, sont munis de drones, sont munis de caméras qu'on retrouve à leurs oreilles. Donc, il y a des caméras partout. Ça perd un peu de son du plaisir du found footage. C'est trop ridicule. Le drone, qu'est-ce qui colisse là? Pff, ça n'a pas grand-chose. Bref, pour moi, encore un énième remake ou suite qui trahit l'œuvre première. Le réalisateur Adam Wingard en avait charmé plusieurs avec Your Next. Pas moi, en tout cas. Ça m'avait pas charmé ben. Ah, c'est lui qui a fait Your Next? C'est lui qui a fait Your Next. Ah. Puis avec son Blair Witch, ben, il fait piètre figure. Mais comme j'ai dit, j'ai pas regretté d'aller le voir parce que les found footage, ben, je suis un fan. On est vendu. Mon verdict, 5.5 sur 10. Eh ben, c'est exactement la, moi, je l'ai pas vu, mais la cote de IMDb. Oh, ouais. J'ai un movie database, 5.5 sur 10, exactement. J'ai même pas copié. 7455 votes. Puis j'ai même pas copié. Hey, la gang, on arrive à la fin. Je voulais juste dire de quoi. C'est notre premier épisode, soyons indulgents. Hein? Mm. Il y a peut-être des mots qu'on a dit tout croche, comme certains réalisateurs. Il y a peut-être des informations qui sont pas bonnes. On s'en fout. Hein? On s'en calisse. Fait que c'est la fin de l'épisode, mais puisqu'on vous aime, on veut vous laisser sur un happy ending. Puis on va faire tirer une paire de billets. Non, c'est pas vrai. Pour venir voir assister l'enregistrement dans ma cave. Donc, on vous laisse sur un happy ending ou un dénouement heureux pour ceux qui t'enlèvent pas l'anglais. Alors, c'est Marc Latrémouille aujourd'hui qui va vous laisser sur une bonne note. Mais oui, je voulais parler de la bonne nouvelle de la semaine. C'est le trou dans la couche d'ozone a rétréci de 4 millions de kilomètres carrés depuis l'an 2000, ce qui est équivalent de la grosseur de l'Inde, et aura complètement disparu en 2050, et ça, grâce au protocole de Montréal. Ça va donner de la chair aux climato-sceptiques. Ça fait ma soirée, ça. Merci, Marc Latrémouille. Merci, Marc Jaudoin. Voilà, on chie. Merci à vous tous. À la prochaine.